cours numéro 7. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Man yathkur dalilan ala shart al-ilm. Tfaddal. Qala ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Na'am, fa'alam annahu la ilaha illallah. Wa min as-sunnah. نعم أحسن رواه الإمام مسلم. Donc dans ces deux preuves, ce verset du Coran et ce hadith, la condition elle est citée. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Et dans le hadith, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمْ. Qui c'est qui nous rappelle معنى لا إله إلا الله, son sens total. نعم بالعربية من يستطيع تفضل. لا معبود بالحق إلا الله. نعم نعم لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. من يذكر دليلا على شرط اليقين؟ نعم الشاهد ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. الشك c'est le contraire de اليقين, ça contredit اليقين. ومن السنة عندما تطل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شك بهما إلا دخل الجنة. نعم غير شاك فيهما أي إلى أكن دوت سعبد أي على يقين فسيما على هذا يدخل الجنة بإذن الله عز وجل. الإخلاص من يذكر دليلا على الإخلاص؟ نعم ألا لله الدين الخالص, فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا من المخلص. الإخلاص سان شرط في جميع الأعمال, سان كونديسيون بور توت لي زوف, لا بد من الإخلاص. ومن السنة أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. تمام خالصا من قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a cité une condition أي pour profiter de sa shafa'a يوم القيامة لا بد من هذا التوحيد, لا بد من تحقيق هذه الشهادة, من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا الرواية من نفسه. أحسنتم. قال المؤلف رحمه الله دليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصدق il est contredit par le كذب, le mensonge. فالصدق c'est le fait d'être véridique. فالمؤمن يقول هذه الكلمة بالصدق et son cœur il croit à ce qu'il a prononcé. Il a prononcé أنه لا إله إلا الله, فإلى convaincu بيقين وبصدق, il est véridique في هذا. أن personne ne mérite d'être adoré sauf Allah عز وجل. قال وقوله في حق المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Une prétention, يقولون الشهادة ويدعون الإيمان إسد كذبا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. Ils ont prononcé هذه الشهادة, ils se prétendent مسلمون مؤمنون, لكن في الحقيقة لا يؤمنون. Ça montre que la parole qu'ils ont dit, c'était pas véridique. هؤلاء c'est المنافقون. الكفرة. Ils font apparaître autre chose que ce qu'il y a dans leur cœur. Dans leur cœur, il y a du kufr, et ils font apparaître, et ils prononcent kalimat al-tawhid. Ils prononcent l'iman. Et c'est des kadabas. Allah subhanahu wa ta'ala fadahahum fil Qur'an. Qala yukhadi'un Allah wal-lazina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. مرض أي النفاق. Ils ont de l'hypocrisie dans le cœur, ça les pousse à mentir. Ils font croire que c'est des mu'minoun et en réalité ils n'ont pas ce iman, ils n'ont pas cette croyance. Lakin une chose extérieure les pousse à dire cette kalima. Ils veulent profiter de quelque chose, il y a une cause. C'est pour ça qu'ils l'ont dit. C'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas par amour de cette kalima. Et c'est pas bisutq. Ils sont véridiques. Abada. Hada hal al-munafiqin, ayyadun billah. Qala al-shaykh rahimahullah wa al-marad al-murad huna maradu al-nifaq wa al-shubha. وهو الشك في صحة ما يؤمن ويقول به عباد الله المؤمنون من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم المنافق لا ديدوت. المنافق لا يؤمن حق الإيمان لا لا ديدوت عياذا بالله دي الشبه son cœur il est malade. ففي الحقيقة لا يؤمن لكن لا prononce بكذب pour profiter de dunya ayyadan billah. Wa fi as-sahihayn an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala dhukira li anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala li Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ma min ahad yashhadan la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'ala an-nar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les hadiths précédents qu'on a vus dans les durus précédents, annahu, il cite une récompense. Huna, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fera pas rentrer fin nar. Et il cite la cause, al-shahada. Et c'est une condition pour que cette cause elle soit validée, indallah. Ay, qawluhu huna, sadiqan min qalbih. Et son cœur il est véridique. Et son cœur il contredit pas ce qu'il prononce. Il y en a le munafiq, en réalité, il se contredit. Il a dit al-shahada, il prétend que c'est un musulman, et fi qalbihi al-kufr wa al-dhalal. Donc il y a une contradiction, c'est un menteur. قال فالصدق هو موافقة الظاهر للباطن. هذا الذي قلنا. فالمؤمن دائما il fait en sorte que ce qu'il y a dans son cœur, il le prononce avec sa langue. Et ce qu'il prononce avec sa langue, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Amanifar, c'est khatir, didden. Faire croire autre que ce qu'il y a dans son cœur. Hada, c'est khatir. Qala bi'an yattafiq al-qalb wal-lisan ala hadihi shahada. Le cœur et la langue, ils sont d'accord. Aïe, sur cette shahada. Fa al-lisan, il prononce. Ashhadu an la ilaha illallah. Et le cœur y croit. Et que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah Azza wa Jal. Hada halu al-mu'min. Wa lam yakun kadiban mudda'iyan lima laysa fihi kal-munafiqin alladhina qaluha bi-alsinatihim wa qulubuhum tukadhibu alsinatahum. Al-munafiq qala hadhihi al-kalima et son cœur, en réalité, il n'est pas d'accord. Son cœur, il ne croit pas. Il dit une chose qu'il ne croit pas. C'est ça le nifaq, ayyadan billah. C'est dans le cœur, il y a du kufr. Et هذا المنافق, il prononce kalimat al-tawhid. Il prétend être mu'min. هذا هو النفاق. L'insan, s'il ne comprend pas, yas'al. S'il a des doutes, il demande. il ignore une chose, il fait des recherches. Amma, Iyadan Billah, dans son cœur, il croit une chose et il dit le contraire avec sa langue, ou il se contredit avec sa langue. Hada c'est hal al munafiqin. Surtout fi l'amri li khatir l'an li anna c'est fi shahada. A'zam kalima. Al-ruknu l'awwal. Le pilier le plus important. Wa ha'oula al-kafara yakdibu. C'est pour ça que leur adab il est shadid. Et c'est pour ça qu'ils sont fait d'arc al-asfali min al-nar. Li annahum ils ont osé mentir en prononçant cette shahada. Qala. كالمنافقين الذين قالوها بألسنتهم وقلوبهم تكذب ألسنتهم فهؤلاء كذبهم الله فقال جل من قائل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Contradiction entre le cœur et la langue. هذا سحال المنافقين avec cette شهادة. أما المؤمن il est صادق. Il la prononce et son cœur il croit. وقال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. تقدمت معنا هذه الآية أنهم ils ont prononcé cette shahada والله سبحانه وتعالى il a démontré que c'est des كذابون, c'est des menteurs, فلا تنفعهم. Ça c'est من الأدلة أن هذه الشهادة c'est pas une simple prononciation. لأن لو كان النطق بها يكفي, ça serait suffisant de la prononcer. فالمنافقون cette كلمة elle aura été profitable pour eux. لكن ما سيستفيدون منها شيئا بل سوف النار كما أخبر الله. Ça nous montre أن هذه الكلمة لابد من النطق pour celui qui a la قدرة وكذلك الإيمان وكذلك عبادة الله وحده لا شريك له. C'est loigné de ce qu'il a contredit. الشرك بالله. في هذا الحال تنفع بإذن الله عز وجل. أي appliquer ces شروط. فمن شهد بهذه الشهادة صادقا متواطئا قلبه مع لسانه عليها. أي le cœur et la langue ils sont d'accord. Ils se contredisent pas. معتقدا وجوب هذه الشهادة والعمل بها وعدم مخالفتها فذلك هو المؤمن الذي حرمه الله على النار. Prononciation avec iman, avec amal, et en s'éloignant des nawaqid, ay des annulatifs de cette shahada, que le shirk, le sihr, l'istihza bid-din, le sabb ad-din, etc. Ce qu'on verra بإذن الله عز وجل ensemble dans le prochain chapitre. النواقد, نواقد الإسلام, les annulatifs de l'islam, فهذا إن شاء الله تنفعه. فذلك هو المؤمن الذي حرمه الله على النار. أما من قال بلسانه خلاف ما في قلبه كالمنافقين. prononce une chose, في الحقيقة c'est pas ce qu'il y a dans leur cœur. فما سيستفيدون منها شيئا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a cité des conditions. خالصا من قلبه, صادقا من قلبه. Et tout ce qu'on a vu et ce qu'on verra inshallah. Amma man qalaha bi lisanihi khilaf ma fi qalbihi wa shahida bima lam ya'taqidhu fadhalika la tanfa'uhu shahadatuhu na'udhu billahi min hubut al'amal wa an yaqul al-insan ma lam ya'taqidhu. Du'a tayyib. L'insan yahdhar. Na'udhu billahi min hubut al'amal. Li'anna faire des œuvres c'est tayyib. الاجتهاد في الطاعة طيب, avoir des hasanats c'est طيب, لكن يحذر أخي المسلم de pas contredire هذا أو de pas annuler toutes ses œuvres بشرك أو بكفر. والإنسان il est pas à l'abri مهما بلغ من العلم والاستقامة والصلاح, on n'est pas à l'abri أبدا. فالإنسان يحذر دائما يدعو الله عز وجل أن يحفظه وأن يتقبل منه وكذلك أن يمود على هذا التوحيد وعلى هذه السنة. Tout ça c'est des dua qu'on doit faire et refaire. قال وأن يقول الإنسان ما لم يعتقده. هذا دليل الصدق. Être véridique en prononçant cette shahada. ثم قال رحمه الله دليل المحبة قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فالإنسان كما تقدم يحذر من الردة عياذ بالله de sortir de l'islam de délaisser ce tawhid d'annuler ses œuvres فالله سبحانه وتعالى il a pas besoin de ses ibad الله سبحانه وتعالى il a pas besoin de ce mouhid في شيء الله سبحانه وتعالى c'est le غني et peut remplacer un qawm par un autre كن فيكون الإنسان يركني هذه النعمة العظيمة ويشكر الله سبحانه وتعالى et il fait des efforts il demande الله سبحانه وتعالى الثبات والدليل من السنة ما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار الحديث كما في الحاشية في الصحيحين والشاهد منه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما المؤمن يحب الله ويحب رسول الله ويحب دين الله ويحب التوحيد يحب هذه الشهادة يحب جميع العبادات يحب هذه الشريعة هذا حال المؤمن أما celui qui déteste quelque chose من هذا الدين il déteste التوحيد il déteste السنة il déteste as-salat ou as-siyam c'est pas un musulman لأن المسلم il peut aimer que ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime même s'il peut pas faire مثلا بعض الناس ils ont des faiblesses et on a tous des faiblesses on n'arrive pas à faire telle ibadah ou on délaisse telle ibadah à cause de certaines faiblesses لكن on aime et on a des faiblesses أما détester ça montre أن في القلب مرض c'est du kufr et Cheikh al-Islam il a cité هذا الناقد في نواقضه أي من أبغض شيئا celui qui déteste une chose de ce deen alors qu'il sait que ça fait partie du deen أما celui qui ignore ربما يحصل لكن il sait que c'est من دين الله عز وجل et il déteste même s'il applique هذه العبادة il la déteste c'est pas un مؤمن قال ومحبة المؤمن لربه هو تقديم طاعته على طاعة غيره وهذا كلام جميل لأن الدعوة سهلة الإدعاء prétendre aimer Allah هذا من أسهل ما يكون et la plupart des gens يدعون ذلك حتى اليهود والنصارى ils prétendent أنهم أحباء الله لكن هذه المحبة pour savoir si tu es sincère et véridique في محبتك لله عز وجل il y a des علامات Parmi ces alamats, il y a des signes. Mahabbatul mu'min li rabbihi wa taqdim ta'atihi ala ta'at ghayrihi. Celui qui aime Allah haqqan et qui aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam bi mahabbatin sadiqa, il ne fait pas passer l'obéissance d'un autre avant l'obéissance d'Allah. L'obéissance d'un makhlouq avant l'obéissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Limadha li anna sitam Allah subhanahu wa ta'ala mahabba haqiqiyya tu feras pas passer ta'at ghayrihi ala ta'at Allah azza wa jalla ça c'est une mahabba haqiqiyya wal mu'minun yatafawwatun ça veut pas dire que celui qui désobéit qui suit son nafs qui affaiblit dans une chose annahu il aime pas Allah et c'est pas un mu'min la la yufham hada la anna mahabba il y a des degrés lakin plus l'insan il aime Allah subhanahu wa ta'ala plus il s'écartera des ma'asi et il obéira أما détester une chose عبادة de ce dit هذا c'est du كفر بالله سبحانه وتعالى والحرص على رضاه بامتثال أمره واجتناب نهيه c'est ça علامة الصدق في المحبة أن الإنسان il suit les ordres d'Allah سبحانه وتعالى et il s'écarte de ses interdits أما إنسان il fait du shirk لا يعبد الله il fait pas الصلاة Il fait aucun amal. Il est ba'id an iddin. ثم il prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala, فَهَذَا كَذِبٌ فِي دَعْوَةٍ. الحقيقة هذا يسوي إبليس. Il aimerait Allah subhanahu wa ta'ala, il adorerait Allah azza wa jal seul. أما il adore shaitan, il adore des sorciers, et il fait جميع المصائب والعظائم, ثم il prétend qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala, فَهَذَا كَذِبٌ. Il est كَذِب فِي دَعْوَةٍ. والله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله سبحانه وتعالى إلى ستنا سلوك أم الله سبحانه وتعالى يدوى سيبغى النبي عليه الصلاة والسلام. C'est ça la preuve de cette محبة. قال وتصديق خبره كذلك سين علامة طيبة نافعة مهمة. أن celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, il va صدق. Il va croire à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé في القرآن أو في السنة. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité في القرآن c'est حق. لماذا؟ لأننا نحب الله subhanahu wa ta'ala, on aime Allah subhanahu wa ta'ala, et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala نعم il est صادق. هذا لا بد من. أما بعض الناس عيادا بالله يبخطون إيمي الله سبحانه وتعالى ويكذبون دي شوز دي أصول من هذا الدين دي فوندمون ونتي ميم با سيغتان عبادات بل دي أصول يكذبونها بكل وضوح. عبادات عظيمة لا يصدقون أخبار كسسوى قديمة أو مستقبلة كأشراط الساعة لا يؤمنون بل بعضهم يستهزي سمك ثم بعض هؤلاء يبخطون إيمي الله. Les prétentions, c'est ça, l'idden. Lakin, s'accrocher à din Allah subhanahu wa ta'ala et appliquer, être sincère, c'est ça qui montre al-mahab. قال والوقوف عند حدوده وأن تحب ما يحب. هذا كذلك. Ça montre صدق al-mahab. تحب ما يحب. وتكره ما يكره. كذلك تدتست سكو الله يدتست. بعض الناس مثلا يبخطان ايمي الله سبحانه وتعالى السي تلو السيد كتو دتست اليهود والنصارى وجميع المشركين يكمبخان با يتدي لا سيترو او صافي با بارتي دو نوت دين سي لا توليرانس لان يكوني با دين الله عز وجل. وكذلك محبته يا ان بروبليم لأن لي فيرسي سون كلير أن الله سبحانه وتعالى يبغض الكافرين ويبغض المشركين. سي بور سا كو سولي كي مير على هذا الحال إلي في النار لأن الله لو ديتست. فكيف نحن با كونتخدير أون با إيمي سكو الله سبحانه وتعالى يدتست. سا مونتخ أن خلل في المحبة. قال وخضوعا لجلاله ورغبة فيما عنده من الخير ورهبة مما عنده من العذاب. كذلك celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala une mahabba haqiqiyya, il fera tout pour essayer de rentrer fil jannah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a préparé, il a créé hadhihi al-jannah pour ses ibad salihin. Il fera tout لانه il aime Allah et il veut satisfaire Allah pour avoir cette récompense. كذلك il fera tout pour s'éloigner de النار لان النار Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé pour châtier ses ennemis, al-kuffar ou al-munafiqoun. Et كذلك certains mu'min qu'ils ont fait des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala il ne leur a pas pardonné. Enfin, le mu'min qui a une mahabba haqiqiyya sadiqa, il fait tout pour s'éloigner de adab Allah. Vous avez remarqué que al-mahabba al-an, c'est un asl azim. Al-ibada est fondée sur hadhihi al-mahabba. Lien celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, il ne désobéira pas. Même s'il faiblit, il fera tawbah. Lien à l'insan, il n'est pas ma'asoum. Et tu le trouveras mouchtahid fi ta'atillah. Et celui qui a un dha'f fil ibad, fil mahabba, ou qui n'a pas de mahabba du tout, a'yadan billah ka hali al-kuffar, tu le trouveras annahu, il est très très loin du din. Qala amma mahabbatullahi lil mu'min, fahiyya sifatun thabitatun lah jalla wa ala. المؤمن يدوى إمي الله سبحانه وتعالى يدوى إمي رسول الله سبحانه وتعالى يدوى إمي تسك الله إلى غيبه يدوى إمي دين الله. هذا هو المؤمن المسلم. Cheikh Najmi rahmatullah alayhi montre huna an Allah subhanahu wa ta'ala kadhalik ilam. C'est une sifa parmi ses sifat. قال تليق بجلاله فيجب على المسلم أن يصف الله بما وصف به نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا. Et ça, ça montre صدق المحبة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وكذلك في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم il nous a montré أنه il a des noms et des attributs. فالمؤمن qui est صادق في إيمانه il croit en tous ses خبر. Allah il a deux mains, Allah il descend, Allah il a un visage, Allah il aime, Allah il déteste, al-kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, il voit, il entend. Tout ça c'est des sifat qui sont cités dans le Coran ou dans le Sunnah. On y croit. Amma celui qui dit là, là, Allah il n'a pas de main, mathalan. Hada, il a un problème fi iman. Lian Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a cité cette sifat. Bal yadahu mabsoutatan. فكيف يقول لا pas de main لكن هؤلاء ils ont des choubah. Cheikh Najmi il va citer, il va résumer هذا. والصفات العليا فنؤمن بأنه يحب المؤمنين ويبغض الكافرين وأنه يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه ولا يجوز أن نتأول هذه الصفة التي هي صفة المحبة بل يجب علينا أن نؤمن بها. Et on n'a pas le droit de déformer comme يفعل المحرفة. الجهل. Ils disent, نعم, c'est cité في القرآن المحبة. لكن في الحقيقة, c'est pas المحبة. Comme on comprend, nous. لا. المحبة, c'est que Allah veut du bien. أو ils ont des تأويلات باطلة. المؤمن الحقيقي qui suit les textes, يقول كما قال الله عز وجل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. On dit Allah il aime, يحب. Comme il a cité في القرآن. Est-ce que ça veut dire que ça ressemble à la mahabba des créatures? Abadan. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir. Lakin al-ithbat nuthbit kama athbata Allah 'azza wa jalla li nafsihi wa rasuluhu 'alayhi salatu wa salam. Amma déformer pour s'écarter du tamthil, c'est shubhat jami' al-mu'attila. Al-jahmiyya, al-mu'tazila, al-ash'ariyya, al-kullabiyya, المعتزلة تس المفوضة كذلك ils sont tous égarés في هذا الباب لأنهم ils n'ont pas voulu faire de تمثيل. Ils ont compris أن si tu dis qu'Allah il a un visage c'est comme le visage des créatures et هذا c'est من أبطل الأباطيل لأن الله عز وجل c'est lui qui a créé العباد et Allah subhanahu wa ta'ala il a toujours eu ce visage عز وجل et ça implique pas que c'est comme le visage des créatures أبدا. نحن نقول الله له وجه يليق به و هذه الصفات هي perfect l'être humain il a un visage d'être humain. Elle m'a fait ressembler et on a entendu le même nom et le même lafd wajh wajh yad yad et on pense que ça ressemble. هذا c'est من الجهل. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه فصل هذه المساله في التدموريه بتفصيل جميل. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه il a simplifié في رسالته التقريب. Il démontre مثلا qu'entre المخلوق il y a un فرق ولو il y a le même اسم. فمثلا قوة الأسد c'est pas قوة النملة. La force d'un lion c'est pas la force d'une fourmi alors que la fourmi elle a de la force et le lion il a de la force. Est-ce qu'on va dire que c'est la même chose, c'est identique? Alors que c'est deux créatures. فَمَا بَالُكْ بِالْخَالِقُ جَلَّ وَعَلَى C'est le qawi. لَا يُعْجِزُهُ شَيْء عَزَّ وَجَلَى Il est capable de tout. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Et il n'a pas une chose qu'il ne peut pas faire. أَمَا الْمَخْلُوقُ لَا حَتَّى الْأَسَدِ Il a de la قوة. Certaines choses, il ne peut pas les faire. وَهَكَدَى كَذَلِكْ Il donne un مثال طيب أن في الجنة il y a des choses, مثلا, si on prend l'exemple des fruits, العنب والرمان, etc., ces fruits, ils seront في الجنة. كذلك في الدنيا, on a ces fruits, العنب والرمان, les raisins, les grenadines, les pommes, etc. Est-ce que c'est la même chose? Là, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجنة, il y a des choses on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu, on ne peut même pas s'imaginer. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, maintenant il y a عنب, il y a رمان, il y a عسل, il y a لبن. On connaît ces noms. Est-ce que c'est les mêmes là? Est-ce que le miel de Dunya c'est comme celui de Al-Jannah? Afatan. Pourtant le nom c'est le même. Asal, Asal. Lakin c'est pas la même chose. Pourquoi? Il y a un farq. Dar Dunya c'est pas l'Akhira, c'est pas le Jannah. Al-An, on revient à notre mas'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. Comme akhbara fil Qur'an. L'être humain, il a deux mains. Est-ce que si tu entends deux mains et deux mains, ça se, c'est la même chose? Afatan. Surtout que tu as un dalil qui montre que c'est pas la même chose. Qala azza wa jalla laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Wa al-ulama yadhkuruna anna Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset la cité as-sami'u wal-basir li anna kathir bal on peut dire akthar al-makhluqat ils ont as-sam'u wal-basar. L'être humain, les animaux, etc. Ils ont as-sam' et ils ont al-basar. Fa Allah subhanahu wa ta'ala il demande dans ce verset rien ne lui ressemble. Et c'est Sami' al-Basir. Et l'être humain, matalan, yasma' wa yubsir, lakin c'est pas comme Allah subhanahu wa ta'ala, abadan. Laysa kamithlihi shay. Et tout ça, ce sujet important fil asma' wa sifat, al-ulama yufassiluna fi kutub al-i'tiqad. Wa min ahsan ma kutib fi hada al-bab, ay min hayth al-ikhtisar wa al-sihha wa al-dhabt. رسالة شيخ الإسلام رحمة الله عليه الواسطية يعني رسالة طيبة كذلك التدمورية كتاب جيد في هذا et pour les débutants avec la simplification de الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه c'est un كتاب نافع جدا قال الشيخ نجمي رحمة الله عليه ويبغض الكافرين وأنه يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه إذا شاء ويعاقب من عصاه إذا شاء عز وجل أما المعصية الكبرى الشرك بالله عز وجل فإن مات على ذلك فيعاقبه أما دون الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال ولا يجوز أن نتأول هذه الصفة التي هي صفة المحبة بل يجب علينا أن نؤمن بها ونمرها كما جاءت Et c'est ça, madhhab al-salaf. Ils ne font pas de ta'wil, pas de tahrif. Les mains, ils disent que c'est des vraies mains. Est-ce que c'est comme les mains des créatures? Abadan. Comment elles sont? Allahu a'lam. On n'a jamais vu, Allah ne nous a pas informé. Manadri. Mais on sait que c'est des mains. Les an Allah, il a dit des mains. C'est ça, madhhab al-salaf. Ou on a'taqid anna sifat Allah taliq bi jalalih. On a cette croyance. On a les sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des sifats d'Allah. On ne sait pas comment elles sont et on a la conviction qu'elles ne ressemblent pas aux sifats des créatures. Même si le ism c'est le même. Wajh, wajh, yad, yad, nuzul, nuzul. Quwa, quwa. Lakin, la sifa, le kayfiyya, ce n'est pas la même. Limadha li anna y a une différence entre le khaliq et le makhlouq. Comment comparer les sifats? Alors qu'on ne compare pas Allah et la créature. Tu demandes à n'importe quel hatta min ha'ula al-mubtili. Est-ce qu'il y a une différence entre le khaliq et le makhlouq? Il va te dire non. Le créateur et la créature, il y a une différence azim. Le créateur, c'est lui qui a créé cette créature. Cette créature, elle n'existait pas. Donc il y a une différence là. Il y a une différence. Les sifat du créateur, ce n'est pas les sifat de la créature. Wallow, le nom, c'est le même. Yad yad wajh wajh. Lakin ahlul bid'a, quand ils ont entendu hadhihi as-sifat, et ils ont compris que cette sifat, c'était comme celle des êtres humains, des créatures, ils se sont égarés. Ils ont dit, on ne peut pas dire que c'est des vraies mains. Si on dit que c'est des vraies mains, c'est comme l'être humain. Ils se sont égarés. Bal nahnu, on dit que c'est des vraies mains, et ce n'est pas comme l'être humain. Ayn al-ishkal. Kama qala azza wa jalla, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. On dit annahu sami'un basirun et il ne ressemble pas aux créatures azza wa jalla. Wantahina, et tu restes à l'aqidat al-salaf. Lakin ahlul bid'a, ils ont compliqué les choses. Fal ulama raddu alayhim khassatan al-muharrif al-asha'ir al-dullal. Et ça a compliqué shay'an ma hadha al-mawdu' pour khassatan pour les débutants. Wa illa fa'aqidat al-salaf, c'est très très simple. Une sifa qui est dans le Coran, tu'min biha. Sans faire de ta'wil, sans faire de tahrif, sans faire de ta'til, sans faire de tafouid, sans faire de takif. Allah, il a deux mains. C'est des vraies mains, na'am, li'an Allah, il a des mains. Et tu t'arrêtes là. قال ولا تقاس بصفات المخلوقين. لا تقاس أي من القياس. Comparez pas avec صفات المخلوقين. C'est cette porte que Ahlul Bid'a ou Abdallah les ont ouverte et ils se sont égarés. Tous. Al-Mumathila. Et ceux qui font ressembler Allah à la créature, ils se sont égarés من هذا الباب. Ils ont entendu, مثلا, أن الله descend. Ils ont compris comme les créatures, ils se sont égarés. Ils ont dit Allah il descend comme les créatures. C'est du kufr. Ils ont fait ressembler Allah à sa créature. Al-Mu'attila. Ils ont entendu tous les hadiths, les versets. An Allah il a des mains, An Allah il descend. An Allah yirdab. Il se met en colère. An Allah il aime. Ils ont comparé avec la créature, ils se sont égarés. Certains, ils ont dit Allah il apporte ses fêtes. Il y en a, si on déclare de ses fêtes, on le fait ressembler à la créature. Ha'oula al-Jahmiya ou al-Mu'tazila. D'autres, ils n'ont pas voulu nier directement, ils ont dit na'am. Allah, il a sifat al-mahabba, c'est cité dans le Coran. Lakin al-mahabba, c'est pas une vraie mahabba. Ça veut dire que Allah, il veut telle chose. Ou min ta'wilatihim al-batila. Ils se sont égarés. Madhhab al-salaf, c'est que cette sifat, tu la laisses comme elle est. Wa tu'min biha. Et tu t'écartes du tahrif, et du ta'til, et du takif. Tu t'écartes de tout ça. Et inshallah, tu seras à la khayr. وإن اتفقت في الأسماء مع صفات المخلوقين إلا سيتي الشيخ نجمي même si le nom c'est le même. Et on a cité des exemples في المخلوقات. Ça implique pas que un tel il a de la force et un autre il a de la force, que c'est la même chose. حتى entre êtres humains, هذا il a beaucoup de force, هذا il en a moins, هذا il en a beaucoup moins, c'est pas la même chose. Allah سبحانه وتعالى c'est le قوي et il a le قوة المطلقة الكاملة عز وجل. قال وإن اتفقت في الأسماء مع صفات المخلوقين فإنها تختلف في الحقائق. هذه صفة المحبة. قال ودليل الانقياد قول الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Tous ces versets qu'il a cités, rahmatullah alayh, pour montrer أن من شروط لا إله إلا الله الانقياد الاستسلام, se soumettre, adorer Allah seul. أما celui qui la prononce ثم يشرك بالله فهذا ما استسلم, il ne s'est pas soumis. لأن celui qui prononce cette kalima, il témoigne que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Donc il ne doit pas se contredire. Il doit être sadiq, il doit être mukhlis. Ou il est muslim. Il se soumet. Hada al-shart il est muhim. Et tous ces versets, ils vont dans ce sens. Amma al-hadith qu'il a cité, Cheikh al-Islam, on avait dit que hadith shurut, c'est Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahmatullah alayhi, qui les a cités. Et hada al-hadith fihi dhaaf. قال في الحاشية وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ظلال الجنة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. نعم هذا الحديث فيه ضعف والإمام النووي رحمة الله عليه لا سيتي في الأربعين سيأتي معنا dans notre درس de الأربعون شرح الأربعين النووية. On verra l'explication de ce hadith en détail. Il y a un ضعف حديث الإسناد إلى فب إلى ضعيف لكن المعنى الصحيح أي دي أدلة كي بخوف هذه المعنى فالسنس إلي جست لكن في الإسناد ضعف. قال الشيخ نجمي وهذا معناه صحيح وموافق لأصول الدين. الشيخ نجمي رحمة الله عليه كان يعلم يسافيك سحديث إلي ضعيف. C'est pour ça qu'il a dit « وَهَذَا مَعْنَاهَ صَحِيحٌ. Le sens, il est correct. « وَمُوَافِقُنْ لِأُصُولُ الدِّينِ. Et il ne contredit pas les fondements de notre dîn. « لَا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُنْ هَوَاهَ تَبَعَنْ لِمَا جِئْتُ. » Aïe, le croyant qui a un iman qawi, il ne contredira pas la voix du prophète alayhi salatu wasalam. Il suivra le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire que celui qui ne suit pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans une chose, c'est plus un mu'min. La, la yu'min, ay, huna al-murad, c'est kamal al-iman. Lian al-iman darajat, il y a des degrés fil iman. Plus al-mu'min il a un iman qawi, plus il suivra le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il ne suit pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans certaines choses, son iman il baissera. Et celui qui ne suit pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam du tout, لا في التوحيد ولا في شيء هذا إلى قد إيمان قال رحمة الله عليه فتمام الانقياد وغايته عندما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به أحب إلى العبد المسلم من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين تأملوا قول الشيخ نجمي رحمة الله عليه فتمام الانقياد faut bien comprendre que ces شروط dans le شرط il y a des degrés. Maintenant, la mahabba, on n'a pas tous la même mahabba. Ba'duhum, ils ont une mahabba qawiyya. Aïlillah, Azza wa Jal, ba'duhum, ils ont des faiblesses, c'est pour ça qu'ils font des ma'asri. As-sidq, kadhalik. Maintenant, le sidq d'Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, c'est un sidq qawi. Et le sidq d'un mu'min qui fait beaucoup de ma'asri, c'est pas un menteur. Lakin, c'est pas comme le sidq d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, ou de sahaba, ou d'autres, min as-salihin, radiyallahu anhum. Il faut bien comprendre que ce shart, il y a des degrés, ces shurut. Hatta fil ilm, ba'duhum, ils connaissent al-ma'na, et ils peuvent approfondir, et ils connaissent beaucoup d'adillah, ils ont beaucoup d'ilm. Ba'duhum, ils ont moins. Donc, tamam al-inqiyad. Et celui qui a un inqiyad qawi, kamil, il obéira au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans beaucoup de choses, et annahu, il n'est pas ma'asum. Ba'duhum, ils ont des faiblesses. Façon inqiyad, il est da'i. Tu le trouveras, il suit le Nabi sallam dans certaines choses, dans d'autres choses, il le contredit. Hada, c'est important. Hatta najma' bayn al-adillah, et on comprend ces shurut avec la compréhension des salaf. Et on reste sur aqidat al-salaf. Yana al-ba'd, rubbama ilise mitl hadhihi shurut, et il comprend que celui qui fait telle chose, sa shahada elle est annulée. Et si elle est annulée, c'est plus un muslim. Et si c'est plus un muslim, c'est un kafir. Et le kafir. Et ils appliquent l'ahkam sur lui, iyadun billah. Là, c'est pas hakada. Qala, wa ma'na al-inqiyad, an takoun munqadan li awamir rabbik, wa tabi'an laha, wa munsaqan ilayha bi imanik bih, wa attiba'ika lima shara'ahu, li annaka ta'lam anna Allah la ya'muruk illa bima fihi al-khayr, wa la yanhaak illa amma fihi al-shar. Donc plus l'insan son iman il est qawi, il comprend cette shahada, son inqiyad il est qawi, plus il suivra les commandements, il s'écartera des interdits. وَالَّذِي يَدُلْ عَلَى الْإِنْقِيَادِ مِنَ الْقُرْآنِ قَوْلُهُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ الْإِنَابَ التَّوْبَ وَالرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ الْإِنَابَ ça ressemble à التَّوْبَ, à se repentir, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est min al-inqiyad. قال وقوله في الآية الثانية ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم وجهه c'est ça الشاهد أي سسومن يسومن son être à الله سبحانه وتعالى فكونك أسلمت وجهك لله أي سلمت وجهك لله أي سلمت اتجاهك إلى ربك ممتثلا أمره ومجتنبا النهي والشاهد أسلم وجهه لله وهو محسن أي من الآية وفي الآية الثالثة الشاهد في قوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا même chose يسلم وجهه أي il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala cette soumission أي il obéit aux ordres il s'écarte des interdits c'est ça un muslim muslim أي يستسلم لله وينقاد لأوامر الله c'est pas que un nom une prononciation, une appartenance, une origine. Ce n'est pas ça, l'islam. L'islam, c'est une aqida. Et l'istislam lillah bittawhid. On se soumet, on adore Allah seul et on ne fait pas de shirk. Thumma, on observe, on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. On obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'insan, il n'est pas ma'asoum, il n'est pas parfait. Si on se trompe à tawbah, si on n'a pas compris, on demande. Si on a fait un péché, on regrette et on revient. Amma un nom, une étiquette, aucun amal, aucun stislam, aucun qiyad, bel des mukhalafat, des nawaqid, ثم une prétention هذا لا ينفع. C'est pas ça le dîn. قال والشاهد في الحديث أو قبل ذلك والشاهد في الرابعة في قوله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ils se soumettent. النبي صلى الله عليه وسلم s'il a ordonné quelque chose, on n'a pas le choix. On doit le faire tant qu'on peut. Si on a des faiblesses, on ne dément pas. On dit c'est haq. Et on se remet en question, on fait des efforts. فنستسلم, on se soumet. أما remettre en question الأدلة ou avoir des doutes, عيادن بالله, ou démentir, ou se moquer, هذا عيادن بالله, c'est très très grave. Ça contredit هذا الشرط. والشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن حق الإيمان ولا يكتمل إيمان أحدكم. نعم الله ستي قوله لا يؤمن أحدكم أي كما في الحديث حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Vous ne croirez pas tant que vous ne suivrez pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire celui qui ne le suit pas dans une chose n'a plus d'iman. Là, on a c'est l'iman al-kamil. Et plus ce musulman suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plus son iman il sera qawi. Et s'il lui désobéit, enfin, par rapport à sa désobéissance, le iman il descend. Aqidat ahl-sunnah. قال ولا يكتمل إيمان وحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نقرأ الأخير. قال ودليل القبول في قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هذا الشرط كذلك لمهم القبول. أكسبت هذا الدين. فتأمل هؤلاء. Ils n'ont pas accepté دعوة الرسول. Ils ont préféré rester sur la voie de leurs ancêtres. قال إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة. أي ils ont trouvé leurs ancêtres sur un dîn. Et il les suit. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. L'iqtida, c'est le fait de suivre. Ils ont rejeté da'wat al-Nabi alayhi salatu salam. Et da'wat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كَمَا لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ, c'est التوحيد. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés, ibtida'an, au départ, à ce tawhid. قُولُوا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. Dites لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. Ils ont refusé. Ils ont contredit هذا الشرط القبول. Ils n'ont pas accepté. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala قال فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Si meurt l'insan عيادا بالله على هذا الحال comme هؤلاء qui ont démenti le prophète sallam, il sera châtié في النار. وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا سوفرسيون لا سيتي quand on a expliqué Al-Ma'na. Annahum, ils ont refusé. Ils ont compris. Ils ont compris Al-Ma'na. Et ils ont saisi le but de da'wat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Annahum, ils doivent délaisser les idoles. Annahum, ils doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ils ont refusé. Al-Qaboul, le contraire, Al-Rabd, ils ont rejeté da'wat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وهذه الآيات تدل على أن من ترك القبول عذب لقوله فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وقوله إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فليس فيها دليل على القبول إلا من ناحية أن من ترك القبول عذب كذلك dans la dernière إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون الكبر à cause de ce كبر ils n'ont pas accepté, ils ont rejeté. إذن فلا ينجي العبد من العذاب إلا قبوله لهذه الكلمة كلمة التوحيد العظيمة لا إله إلا الله. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه دليل على أن القبول يترتب عليه الخير الكثير في قوله صلى الله عليه وسلم فكان منها أرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعجب الكثير فقوله قبلت الماء فقوله صلى الله عليه وسلم قبلت الماء دليل على أن قبول الوحي منبت للأعمال الصالحة. هذا الحديث حديث أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم il a cité les catégories de gens. بعضهم ils acceptent comme la terre qui accepte l'eau, ثم des plants, des fruits qui sortent de cette terre et les gens y profitent. فهكذا المؤمن il accepte دعوة الرسول et les fruits de cette acceptation c'est l'a'mal, les œuvres. Tu le trouves, il adore Allah seul, il fait le salat, il fait le siyam, il fait le hajj. Et plus son acceptation est qawiyya, il rentre fi dinillah, plus, incha'Allah, il fera des a'mal et il sera sincère. Qala, wa qawluhu, sallallahu alayhi wa sallam, wa kanat minha ajadibu amsakatil ma, fa nafa'allahu biha annaz, fa sharibu, wa saqu, wa zara'u. Wa hadha mathalun liman hamila al-ilm, aw liman hamala al-ilm, wa lam yantafi' bih, bal intafa'a bihi ghayruhu mimman akhadhu anhu. Deuxième catégorie, ils comprennent, ils acceptent, ils font profiter les autres, mais ce da'i ne l'applique pas. Hada, il se fait du mal à lui, même si les autres profitent de lui, mais il ne l'applique pas. Enfin, il a accepté le mal, les autres ils ont profité de lui, mais tu ne trouves pas les fruits de cette da'wa sur lui-même. C'est la deuxième catégorie. Et le qismu thalith. إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء والمهم la troisième catégorie أنهم ils acceptent pas et personne ne profite d'eux الكفار ils ont pas accepté دعوة الرسل et من باب أولى ils font pas profiter les autres بل ils combattent نحن on fait tout pour être de la première catégorie on accepte on fait des efforts في العلم في العمل في الدعوة حتى نحن on profite et on fait profiter les autres بإذن الله عز وجل. والمهم أن هذه الشروط لا بد أن تكون مقارنة للا إله إلا الله وإلا فإن القائل لها لا ينتفع بها إلا إذا كان قد عرف معناها وعمل بمقتضاها. Il conclut الآن رحمة الله عليه ces شروط أن المسلم doit faire des efforts كثيرا comprendre ces شروط comprendre cette شهادة savoir que cette شهادة a une معنى عظيمة que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah savoir que cette Kalima, ala muqtada, ça implique des choses, c'est pas qu'une parole qu'on dit. Si on l'a dit, c'est un témoignage. Et le musulman, il doit respecter son témoignage. Annahu personne ne mérite d'être adoré, fa yabta'id an shirk. Wa yuwahhid Allah subhanahu wa ta'ala fi ibadatihi, wa yuhibbu fillah wa yubghidu fillah. Il adore Allah seul, il aime pour Allah, il déteste pour Allah. Il suit un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et fi hadha al-hal, il profitera jiddan de hadhihi al-kalima. كذلك il s'éloigne de tout ce qui l'a contredit et c'est le chapitre qu'on verra qu'on commencera dans le prochain cours inshallah. قال اما من لم يعلم معناها او علمه ولم يعمل بمقتضاها فان كلمه لا اله الا الله لا تنفعه نعوذ بالله من ذلك ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم la première catégorie qu'on a cité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé à une terre qui accepte de l'eau, thumma, sur cette terre, des fruits, etc., qui poussent. Enfin, la terre, elle a profité, elle fait profiter aux autres. Hakada, celui qui accepte da'wat al-rasul, qui apprend l'ilm et qui fait profiter aux autres. Ça, c'est la première catégorie dans le hadith de Abu Moussa. Wa mathalu man lam yarfa bidhalika ra'san wa lam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bih. Thumma, cette terre qui n'accepte pas cette eau et qui n'est d'aucun profit pour l'être humain, c'est comme cet être humain qui n'accepte pas da'wat al-rasul. Il est comme une terre morte. Al-insan yahdhar. On n'a pas lu hadith Abi Moussa, on a lu que le shah, il l'a cité fil matn. Na'am, page 52. Safhat 52. قال ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعجب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به هذا الحديث on l'a lu entièrement du matin حديث أبي موسى il est fi as-sahihayn فائده pour conclure وقد جمع بعضهم شروطها السبعة وزاد ثامنا وهو الكفر بالطاغوت بعض العلماء ils ont ajouté, comme on a déjà expliqué, zadu shartan thaminan. Ils ont ajouté une huitième condition, al-kufr bit-taghut. Et en fait, cette condition, tu peux la comprendre, tu la comprends de certains shurut qui sont déjà cités. Lakin ba'd al-ulama, Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi, ils ont cité hada shart fa tayyib. Ils se sont basés sur qawli Allah azza wa jalla, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Wa ja'alaha fi baytayn min an-nadm fa qala. Na'am, ba'dhum, ils ont rajouté une huitième condition, et ils ont récapitulé tous ces shurut dans deux vers de poésie. فَقَالَ عِلْمٌ يَقِينٌ وَإِخْلَاصٌ وَصِدْقُكَ مَعْ مَحَبَّةٍ وَانْقِيَادٍ وَالْقَبُولِ لَهَا وَزِيدَ ثَامِنُهَا الْكُفْرَانُ مِنْكَ بِمَا سِوَى الْإِلَهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ قَدْ أُلِهَا. بعضهم, ils ont rassemblé les huit shurut dans ces deux vers de poésie. Et كذلك العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه في السلم الوصول نظمها en quatre vers de poésie, et il a cité هذه الشروط. Et il a expliqué cette poésie, Sulam al-Wusul, c'est une poésie طيبة في التوحيد. Il l'a expliqué dans son célèbre livre Ma'arij al-Qabul, le Cheikh Hafiz al-Hakami rahmatullah alayhi. وما ذكره الشيخ نجمي رحمه الله عليه في خير. Pour celui qui veut réviser, il révise ma qala hu Cheikh Nejmi qu'on a lu ensemble, inshallah yastafid. هذا ما يتعلق بهذه الشروط فراجعوها réviser ces شروط, essayez d'apprendre un dalil pour chaque شرط. ثم le prochain chapitre, الشيخ نجمي رحمة الله عليه ذكر النواقد, نواقد الإسلام, أي نواقد هذه الشهادة, 10 annulatifs, ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.